Psaume 74. Machil d'Azaph. Ô Dieu, pourquoi nous as-tu rejetés pour jamais? Et pourquoi es-tu enflammé de colère contre le troupeau de ta pâture? Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise d'ancienneté. Tu t'es approprié cette montagne de Sion, sur laquelle tu as habité, afin qu'elle fût la portion de ton héritage. Avance tes pas vers les masures de perpétuelle durée, l'ennemi a tout renversé au lieu saint. Tes adversaires ont rugi au milieu de tes synagogues, ils ont mis leurs enseignes pour enseignes. Là chacun se faisait voir, élevant en haut les haches à travers le bois entrelacé. Et maintenant, avec des poignées et des marteaux, ils brisent ensemble ses entaillures. Ils ont mis en feu tes sanctuaires, et ont profané le pavillon dédié à ton nom, l'abattant par terre. Ils ont dit en leur cœur, saccageons-les tous ensemble. Ils ont brûlé toutes les synagogues du Dieu fort sur la terre. Nous ne voyons plus nos enseignes, il n'y a plus de prophètes, et il n'y a aucun avec nous qui sache jusqu'à quand. Ô Dieu, jusqu'à quand l'adversaire te couvrira-t-il d'opprobre? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Pourquoi retires-tu ta main, même ta droite? Consume-les en la tirant du milieu de ton sein. Or, Dieu est mon roi d'ancienneté, faisant des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta force, tu as cassé les têtes des baleines sur les eaux. Tu as brisé les têtes du Léviathan, tu l'as donné en viande au peuple des habitants des déserts. Tu as ouvert la fontaine et le torrent, tu as desséché les grosses rivières. À toi est le jour, à toi aussi est la nuit, tu as établi la lumière et le soleil. Tu as posé toutes les limites de la terre, tu as formé l'été et l'hiver. Souviens-toi de ceci, que l'ennemi a blasphémé l'Éternel, et qu'un peuple insensé a outragé ton nom. N'abandonne point à la troupe de tels gens l'âme de ta tourterelle, n'oublie point à jamais la troupe de tes affligés. Regarde à ton alliance, car les lieux ténébreux de la terre, sont remplis de cabanes de violence. Ne permets pas que celui qui est foulé s'en retourne tout confus, et fait que l'affligé et le pauvre louent ton nom. Ô Dieu, lève-toi, défends ta cause, souviens-toi de l'opprobre qui t'est, fait tous les jours par l'insensé. N'oublie point le cri de tes adversaires, le bruit de ceux qui s'élèvent contre toi, monte continuellement.